إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cheikh, aujourd'hui on fait le cours numéro 7 et le cheikh explique encore une fois, il continue dans sa réfutation de Abdullah Azam dans sa parole lorsqu'il prétendait qu'on ne pouvait pas donner une allégeance à un pécheur et que l'allégeance à un pécheur n'était pas valable. Donc le cheikh il réfute cette parole-là. On a cité hier des paroles des salafs. En fait, non, c'était des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'obligation d'obéir aux dirigeants, même s'ils sont en train de faire des péchés. On a mentionné beaucoup de hadiths à ce sujet-là et des explications des ulama. Et aujourd'hui, on continue l'explication du hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Lorsqu'il dit « قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. » Donc ça c'est le hadith qu'on avait lu hier qui disait, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم répond à la question de Huzaifa ibn al-Yaman. Il dit, qu'est-ce que tu me commandes de faire si j'arrive à une période où il y a justement des dirigeants comme ça qui appellent aux portes de l'enfer et comment je dois agir envers eux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu dois rester avec les musulmans, le groupe des musulmans et leur imam. Donc, ensuite, il dit, et s'il n'y a pas de jama'a et ni d'imam, c'est-à-dire il n'y a pas de groupe de musulmans ni d'imams qui sont entourés, qui sont des gens qui se sont mis autour de cet imam et qui l'obéissent, il dit, dans ce cas-là, écarte-toi de tous les groupes et reste accroché, même s'il faut que tu t'accroches au tronc d'un arbre, en mordant sur le tronc de l'arbre, reste accroché jusqu'à ce que la mort te vienne. Et tu es encore, c'est-à-dire tu restes comme ça. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dans le volume 13 à la page 36, il dit Al-Isharatu biqawlihi ilzim jama'at al-muslimin wa imamahum ya'ni walau jara. يوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك أو ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك قال مثل ذلك وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحو قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم بكسر الهمزة أي أميرهم وزاد في رواية أبي الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا في رواية خالد بن سبيع عن الطبراني فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب وقوله ولو أن تعض بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أي لو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجة: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام، عود ينصب لتحتك بها الإبل. وقوله وأنت على ذلك، أي العض، وهو كناية عن لزوم الجماعة، عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. Donc ici l'imam Ibn Hajar al-Asqalani il dit qu'il y a dans ce hadith une indication qu'on doit rester avec le groupe des musulmans et leurs dirigeants même s'ils sont injustes, c'est-à-dire même s'ils sont injustes, et c'est clarifié par la narration de Abil Aswad dans laquelle on lit même si on frappe ton dos et même si on prend tes biens. On l'a mentionné déjà ce hadith. Et également, quand on lit par exemple que ça, ah oui, le cheikh dit, et ça il y en avait beaucoup à l'époque de Al-Hajjaj, c'est-à-dire à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'était un des dirigeants qui était très injuste à son époque, et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, même si on prend tes biens, même si on te frappe, tu dois continuer à rester avec la jama'a des musulmans et à obéir aux imams des musulmans. Et on constate que les savants de l'islam, ils respectaient ça, et ils suivaient ça à la lettre. Après, il dit, وَنَحْوْ ذَلِكَ وَتَلْزَمْ جَمَعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. C'est-à-dire, également dans un autre hadith qui dit, et tu restes avec le groupe des musulmans et avec leurs dirigeants, c'est-à-dire, oui, c'est ça, parce que quand on dit dans un hadith, par exemple, tu restes avec l'imam des musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec leur chef, leur dirigeant, celui qui est à la tête, que ce soit le président ou le roi ou le chef de l'État. Et ensuite, il dit, وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَادِ, et c'est rapporté également dans la narration de Abil Aswad, d'écouter et d'obéir, même si on frappe ton dos et qu'on prenne tes biens. Et la même chose dans la riwaya de Abi Khalid, de Khalid ibn Sabir, pardon, selon At-Tabarani, il dit, si tu vois un khalifa, alors reste avec lui, même si on te frappe le dos. Mais s'il n'y a pas de khalifa, alors dans ce cas-là, tu t'enfuis. Donc ça, c'est une autre narration. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit walau anta'ud, c'est-à-dire même si tu dois mordre, et ça c'est pour dire que lorsque tu dois mordre dans le sens que tu dois law kana al-i'tizal bil'ad fala ta'dil anhu, certains ont interprété ça en voulant dire que tu dois t'écarter de tous les groupes, puis que tu dois t'accrocher à un arbre. Donc ça c'est une explication. Puis, après, il mentionne, dans une autre narration de Abdurrahman ibn Qirt, selon Hudhayfa, dans Ibn Majah, dans Sunan Ibn Majah, ça dit, et si tu meurs, alors que tu es en train de mordre après un bâton, c'est mieux pour toi que de suivre quiconque dans une situation pareille, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de dirigeant qui obéit et qu'il n'y a pas de jama'a. Dans ce cas-là, tu mords après un bâton, c'est-à-dire tu restes accroché à la sunna et à la vérité jusqu'à ce que la mort t'arrive. Et anta ala dhalik, c'est-à-dire tu restes avec la jama'a des musulmans et avec leurs dirigeants et tu leur obéis même s'il est dans le péché, même s'il fait des péchés. Et ensuite, le cheikh Ahmed al-Najmi, il mentionne les paroles de l'imam al-Baydawi. Et l'imam al-Baydawi qui dit, وَقَالَ الْبَيْدَاوِي مَعْنَى الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى شِدَّةِ الزَّمَانِ وَعَضْ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ على أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر عدوا عليها بالنواجذ بالنواجذ. وقال الحافظ يؤيد الأول قوله في الحديث الآخر فإن مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قلت والقولان متلازمان فإن من لازم المفارقة حصول المشقة وقد تحصل المشقة بملازمة الجماعة والثبوت على طاعة الولاة إذا كانوا عصاة جائرين وقد أشار إلى ذلك بل أبانه نبي الهدى ورسول الرحمة الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه بقوله في حديث ابن عباس عند البخاري في الفتن لفظ الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ومن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ولفظ ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت عند البخاري أيضا. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Baydani il a expliqué que la signification du hadith de Hudhayfa, c'est que s'il n'y a pas de khalifa sur la terre, tu dois t'écarter de tout, hein, tu pars et tu restes à l'écart, tu t'éloignes de tout et tu restes patient à endurer les temps difficiles qui passent. Et il dit que de mordre à la base de l'arbre ou au tronc de l'arbre, ça c'est pour montrer la difficulté et la souffrance qui vient avec. Parce que, bien sûr, il dit que ça se dit en arabe lorsque quelqu'un a une douleur très très dure, yani, on dit qu'il mord sur une roche ou sur une pierre. Et quand on parle de rester accroché à la jama'a ou de suivre la jama'a, et comme c'est écrit dans... Ah oui, ça c'est une autre explication pour le fait de mordre après l'arbre ou après un morceau de bois, ça c'est expliqué également par les savants comme en voulant dire de rester avec la jama'a. Et il dit, ça c'est basé sur l'autre hadith, comme par exemple dans le hadith qui dit « Addu alayha bin nawajiz », c'est-à-dire « mordez dedans avec vos molaires hein, ». Parce que c'est de s'accrocher et de mordre à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, donc il y a deux explications. La première explication, c'est de s'éloigner, de rester loin de tout, puis d'attendre et de patienter, ou bien de rester avec la jama'a et de s'accrocher à la jama'a. Et ou de s'accrocher à la sunna, comme c'est mentionné dans le hadith de mordre après la sunna, comme on mord dans quelque chose lorsque on mord avec nos molaires. Donc c'est ça qui est mentionné. Puis il dit que la première explication est supportée par le hadith qui dit et si tu meurs et que tu es en train de mordre après un morceau de bois, c'est mieux pour toi que de suivre quiconque parmi ces groupes. Donc ça c'est une explication qui est mentionnée par l'imam al-Baydani. Puis l'imam Ahmad al-Najmi par la suite il continue en disant que ces deux positions là elles s'impliquent l'une dans elles rentrent une dans l'autre ou elles s'impliquent l'une l'autre parce que celui qui réfléchit comme il faut sur ces hadiths là il voit que le fait de se séparer de la jama'a, ça amène la difficulté. Ça va amener la difficulté. Et c'est possible également d'avoir la difficulté lorsque tu es avec la jama'a, et que tu restes avec l'obéissance, dans l'obéissance du dirigeant, si ce dirigeant-là est un dirigeant injuste, comme ça a été mentionné et clarifié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidance et le messager de la miséricorde, hein, qui n'a rien abandonné sans le clarifier, il n'a rien laissé de bien sans le clarifier pour sa umma, et il n'a rien laissé de mal, excepté qu'il a averti sa umma contre ce mal, comme dans les paroles de Abdullah ibn Abbas, qui sont dans Al-Bukhari, dans Al-Fitan, et on a lu ce hadith-là déjà, quand il a dit, et si tu vois un dirigeant et que tu détestes ce qu'il fait, alors sois patient, parce que celui qui sort contre un dirigeant, hein, alors il meurt dans un état d'ignorance ou de la jahiliya. Et dans la deuxième narration de ce hadith, ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit de son dirigeant quelque chose qu'il déteste, alors qu'il soit endurant, parce que s'il se sépare de la jama'a d'une petite distance et qu'il meurt, il sera mort dans une mort de jahiliya, comme un état semblable à celle de la période pré-islamique. Et puis, il y a la mention du hadith de Ubadat ibn Samit, rapporté dans Al-Bukhari, comme on l'a mentionné hier. Ensuite, le Cheikh il dit, « Wafi hadith Auf ibn Malik al-Asja'i, radiyallahu anhu, عند مسلم مرفوعا لفظ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعة وأقول لا ينقصنا من الله ورسوله البيان حتى نحتاج إلى أقوال الرجال. Donc le Cheikh il commence à expliquer les paroles de en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportées dans un hadith selon Auf ibn Malik al-Asja'i. Donc, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qu'ils vous aiment. Et vous faites des doigts pour eux et ils font des doigts pour vous. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qu'ils vous détestent et vous les maudissez et ils vous maudissent. Et les sahaba ont demandé au messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre avec l'épée si on les déteste et ils nous détestent et on les maudit et ils nous maudissent? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, tant qu'ils sont en train d'établir la prière, vous devez les obéir. Et il dit ensuite, dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si l'un d'entre vous a au-dessus de lui un dirigeant, et il voit que ce dirigeant-là fait une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il doit détester ce péché-là que ce dirigeant-là a fait, mais ne doit jamais enlever sa main de son autorité et de son obéissance. Donc ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique et il dit, وأقول لا ينقصنا من الله ورسوله البيان حتى نحتاج إلى أقوال الرجال ولكن بين الله عز وجل لنا أعظم بيان ووضح لنا أعظم توضيح بأن من الولاة من يكون عدلا ومنهم من يكون جائرا وقد يكون فاسقا وأن الطاعة واجبة للسلطان سواء كان عدلا أو جائرا وإلا فما معنى قوله شرار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن وهذا ما فهمه الصحابة حين قالوا أفلا ننابذهم بالسيف. عند ذلك فكانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من قال ذلك: لا، ما أقام فيكم الصلاة. إن هذه النصوص وغيرها تفيد أن بيعة الجائر منعقدة وأن طاعته واجبة والإجماع على ذلك قائم. Donc le cheikh il dit que les paroles d'Allah et de son messager ne nous manquent pas en clarification pour qu'on ait besoin de se référer aux paroles des hommes. Hein? Les paroles d'Allah et de son messager sont assez claires. Hein? Du fait que sont tellement clairs qu'on n'a pas besoin des paroles de quiconque par la suite pour rajouter de la clarification à ces paroles-là. Elles sont claires et clarifiées. Allah nous a clarifié de la meilleure façon et il nous a fait voir comprendre ces choses-là de la meilleure manière et nous a dit que le dirigeant, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le dirigeant parmi les dirigeants, il y en a qui vont être justes. Et il nous a expliqué également que parmi eux, il y allait en avoir certains qui allaient être injustes. Et parfois même pécheurs, hein, qui font des péchés. Donc, le cheikh il dit que son obéissance est tout de même obligatoire, peu importe qu'il soit juste ou injuste. Sinon, à quoi sert la parole de... Sinon, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Et le pire de vos dirigeants sont... » ou les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qu'ils vous détestent. Et vous les maudissez et ils vous maudissent. » Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une parole pareille? Et ça, en même temps, ça rappelle la parole de Qardawi dans son texte qu'il a écrit pour essayer de défendre la démocratie. Il a écrit un texte pour essayer de dire que la démocratie c'était en accord avec l'islam et qu'il n'y avait rien de contraire dans la démocratie avec l'islam. Parce que selon lui, les musulmans ont le droit de choisir leurs dirigeants et de les enlever lorsqu'ils ne les aiment pas. Donc ça c'était l'opinion de Qardawi, comme la plupart des Ikhwan. Ils sont d'idée que lorsqu'il y a un dirigeant et que tu ne l'aimes pas, tu peux l'enlever et tu peux le changer. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et le pire, c'est que lorsqu'il a essayé de ramener des preuves, des hadiths pour essayer de justifier sa position, il a mentionné ce hadith. Il a mentionné ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et le pire de vos dirigeants sont, c'est-à-dire vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et vous faites des doigts pour eux, ils font des doigts pour vous. Et les pires de vos dirigeants, c'est ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qu'ils vous maudissent. » Donc, Qardawi mentionne ce hadith, sauf qu'il s'arrête là. C'est-à-dire, il ne mentionne pas la suite de ce qui est mentionné dans le hadith, où les sahaba demandent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne doit pas les combattre avec l'épée au messager d'Allah s'ils sont de cette façon? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond, non, tant qu'ils établissent la prière. Hein? Donc, lui, Qardawi, il essaie de se supporter, ou d'établir sa position, et de prouver sa position en mentionnant un hadith. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne uniquement la première partie du hadith, et il cache la partie du hadith qui suit. Pourquoi? Parce que la suite du hadith est une preuve contre lui. Et ça, c'est l'attitude des gens de Bid'a, hein, et des gens de l'égarement. Lorsqu'ils veulent essayer de défendre une position, ils mentionnent des hadiths, et quand ils mentionnent des versets ou des hadiths, ils mentionnent seulement une partie de ce hadith ou une partie de ce verset qui est en accord avec ce qu'ils pensent, et ils coupent la suite justement pour que les gens soient trompés et que les gens ne sachent pas la réalité du contexte de ce hadith. Et ça, c'est vraiment grave. C'est une attitude très grave, très malhonnête et très dangereuse en même temps. Donc, celui qui ne savait pas la suite du hadith, il va penser que Qardawi a raison. dans cette parole-là. Hein? Et ça, c'est juste un exemple des preuves qu'il a ramenées, parce que les autres preuves qu'il a ramenées pour essayer de justifier sa position sont toutes plus fausses les unes que les autres. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc le cheikh, il dit que les sahaba, eux, ils ont compris cette parole-là, qu'il allait avoir des dirigeants injustes et qui allaient faire du mal. Et la preuve, c'est que ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne devons-nous pas les combattre avec l'épée s'ils sont ainsi aux messagers d'Allah? Et la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut de réfuter ça en disant non, vous ne devez pas les combattre jusqu'à tant qu'ils sont en train d'établir la salat. Et il y a des textes, ce texte-là qui mentionne ça, et il y en a d'autres. Comme par exemple l'autre hadith qui dit, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous avez à son sujet une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des textes qui montrent que l'allégeance est établie pour un, on a le droit et elle est valable pour un dirigeant, même si ce dirigeant-là est injuste, et que son obéissance est obligatoire, et il y a un consensus établi à ce sujet-là, sur cette position-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles du Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari, le volume 13, la page 37. Il dit, au sujet du hadith de Hudhayfa, « قال ibn Battal, فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمتهم. Donc là, il a mentionné les hadiths. Maintenant, il mentionne des paroles des ulama pour essayer de montrer qu'est-ce qui a été dit au sujet de ces hadiths-là et comment les savants les ont compris et les ont expliqués. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet. Donc il dit, وقال ابن بطل فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق والأمر مع ذلك بلزوم الجماعة قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة فقال قوم للوجوب والجماعة السواد الأعظم. Donc le cheikh, il mentionne les paroles de Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et Ibn Hajar, il mentionne les paroles de Ibn Battal, l'imam Ibn Battal, et il dit qu'il y a une preuve dans ce hadith de Hudhayfa pour la position des ulama qui disent qu'il est obligatoire de rester avec les musulmans, la jama'a des musulmans, et qu'il faut abandonner la rébellion contre les imams injustes. D'accord? Et pour la preuve dans ce hadith-là, pour ça, c'est quoi? C'est que Hudhayfa, il a mentionné au sujet du prophète, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette époque-là, et il a dit que ça allait être une époque qui va être mauvaise, et il a décrit qu'il y aura dans cette époque-là des dirigeants qui appellent aux portes de l'enfer. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas permis de les combattre. Au contraire, il a dit, il y a des choses. Vous allez voir qu'ils appellent aux portes de l'enfer. Et quand Hudhayfa a dit, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, il a dit, tu dois rester avec la jama'a des musulmans et avec leurs dirigeants. Donc ça, c'est la preuve dans cette parole-là que l'obligation est d'obéir aux dirigeants, même s'ils sont injustes et même s'ils appellent aux portes de l'enfer. Et il n'a pas dit à leur sujet, par exemple, il y aura certaines choses qu'ils vont faire que tu vas accepter ou que tu vas être d'accord, et d'autres choses qu'ils vont faire que tu vas dénoncer. Hein, comme il a dit, comme dans le début du hadith, avant de mentionner les dirigeants qui appellent aux portes de l'enfer, il y a la mention d'un autre exemple de mal qui va venir avant ce mal-là qui va être moins grave C'est-à-dire, il y en aura des dirigeants, tu vas, il y a des choses qu'ils vont faire qui sont bonnes et d'autres qui sont pas bonnes. Mais ceux qui viennent après, ils appellent carrément aux portes de l'enfer. Et un des exemples qui montre ça encore plus clairement, il y a l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, à son époque, quand le dirigeant appelait carrément à la création du Coran, c'est-à-dire il appelait à dire que le Coran est créé. Et ça, c'est une parole de kufr, comme il y a plus que 500 savants de Ahl Sunnati wal Jama'a qui ont établi que quiconque disait que le Coran est créé était kafir. Et malgré que le khalifa Al-Ma'moun et Al-Wathiq et Al-Mu'tasim, les trois, ils appelaient à la aqida des Mu'tazila et ils disaient ouvertement que le Coran est créé, malgré ça, l'imam Ahmad n'a pas fait le takfir des khulafa de l'époque, malgré qu'ils appelaient clairement à une parole de kufr, hein, et qu'ils appelaient à une porte, bien entendu, qui fait partie des portes de l'enfer. Et il n'a, malgré tout, il n'a pas fait le takfir de ces gens-là. Pour différentes raisons, dont, parmi les raisons, le fait que c'est des gens qui ne pouvaient pas comprendre la signification réelle et l'implication de de cette parole, hein. Ils n'avaient pas compris le danger qui était dans cette parole, ou bien qu'ils n'avaient pas assez de connaissances pour comprendre. Donc, ça, c'est un exemple pour montrer ça. Et aujourd'hui, bien entendu, ça s'applique aussi et ce hadith de Hudhayfa, hein? Même si aujourd'hui on trouve des dirigeants, si on trouvait des dirigeants qui appellent à des choses qui font partie des portes de l'enfer, hein, dans l'égarement, eh bien, ça justifie pas qu'on ait le droit de prendre les armes contre eux. Et le cheikh il dit ensuite, وهم يكونون كذلك. Il dit, وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. Donc, ces dirigeants-là qui appellent aux portes de l'enfer, c'est ceux qui ne sont pas sur la vérité, qui sont sur autre chose que la vérité. Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam al-Tabari. Il dit, اختلف في هذا الأمر وفي جماعة. Donc, il y a une divergence d'opinion au sujet de ce sujet-là et au sujet de la jama'a. Donc, il dit que la jama'a, c'est la grande masse. As-sawad al-a'zam. As-sawad al-a'zam, si on le traduit littéralement, ça veut dire la grande noirceur, la grande masse noire. Et c'est pour dire, en fait, la grande majorité des sahaba et des tabi'in et des grands imams de l'islam. C'est eux, as-sawad al-a'zam, comme ça a été clarifié par des savants. Et ensuite, il mentionne les paroles de Muhammad ibn Sirin selon Abi Mas'ud, qui dit que, yani, ça je ne l'ai pas lu en arabe, ça dit, ثم ساق عن محمد ابن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان عليك بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد على ضلالة قال وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم وقال المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين وقال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته فقد خرج عن جماعة أو عن جماعة وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. Donc il explique que il y a eu une citation qui était rapportée selon Mohamed ibn Sirin, selon Abi Mas'ud, qui dit qu'il l'a conseillé, hein, que Mohamed ibn Sirin l'a conseillé, ou quand on lui a demandé au sujet de la mort de Othman ou le meurtre de Othman, il a dit, suis la jama'a. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas réunir la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur un égarement. Et il y a des gens qui ont dit que la jama'a, c'était les sahaba, et non pas ceux qui sont venus après. Et ça veut donc dire, il y en a d'autres qui ont, et il dit que la signification de la jama'a, c'est en fait les savants. Les savants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils sont une preuve pour les hommes. Et les gens suivent les dirigeants dans les questions de religion. Ensuite, il dit que l'imam al-Tabari a continué à, et il a dit par la suite que l'opinion correcte au sujet de la signification de rester avec la jama'a, c'est-à-dire de rester dans l'obéissance de celui qui a été choisi comme étant leur amir et ils se sont mis autour de lui. Hein? Et que celui qui brise son allégeance pour ce dirigeant-là, alors c'est comme s'il a, il est sorti de la jama'a. Et il dit que lorsqu'il n'y aura pas d'imam pour les gens et que les gens seront tous divisés en différents groupes, alors on ne doit pas suivre personne dans la division. Et on doit s'écarter et s'éloigner de tout le monde si on est capable, dans le but de s'éloigner dans la crainte de tomber dans quelque chose de mauvais, c'est mieux de s'écarter et de s'éloigner dans ce cas-là. Ça, c'est les paroles de l'imam At-Tabari mentionnées dans cette citation de Ibn Hajar. Ensuite, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il fait un autre paragraphe, il dit Faslun, wa qala fi sharh hadith Ibn Abbas, ça c'est dans les paroles de Ibn Hajar encore une fois, dans l'explication du hadith d'Abdullah ibn Abbas. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية وقال ابن بطال في الحديث حجة لمن ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد اجتمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا من وقع من الحاكم الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في ذلك بل تجد مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. Donc le cheikh il dit ici que il mentionne les paroles du Hafiz Ibn Hajar dans l'explication du hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu quand il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit yani celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, alors qu'il soit patient et qu'il endure ça, parce que celui qui se sépare de la jama'a d'une petite distance et qu'il meurt dans cet état, il meurt dans un état de la jahiliya, comparable à celle de la jahiliya. Et il cite les paroles du savant Ibn Battal, l'imam Ibn Battal, qui explique ce hadith et il dit que dans ce hadith, il y a une preuve qu'on doit abandonner la rébellion contre les dirigeants, contre un dirigeant qui a pris le dessus et qu'on doit faire le djihad avec lui, s'il fait le djihad, et que son obéissance est obligatoire, et que ça c'est mieux que de prendre les armes contre lui. Donc, Yanni, pourquoi? Parce que ça protège le sang et que ça calme les masses. Et ils ont une preuve dans ce hadith-là, et dans les hadiths de ce genre, qui supportent cette signification-là. Donc le cheikh il dit ça pourquoi? Parce que al-hakim al-mutaghallib, ça veut dire un dirigeant, soit qu'il a pris le dessus sur les autres quand il n'y avait pas de dirigeant et qu'il est devenu le dirigeant, ou bien qu'il a pris le pouvoir en prenant la place d'un autre. Alors dans ce cas-là, les savants ils ont dit que même si il a pris le pouvoir de façon injuste et incorrecte, on n'a pas le droit de le combattre, on doit accepter son autorité pour éviter la fitna, hein, pour éviter la fitna et pour éviter que le sang des musulmans se mette à couler et pour calmer les masses, comme le cheikh il explique, excepté si on voit un de ce dirigeant un coffre clair. Dans ce cas-là, c'est pas obligatoire de l'obéir dans le coffre. Toutefois, il est obligatoire, il dit, mais il est obligatoire de le combattre pour celui qui en est capable, comme ça a été mentionné dans les autres hadiths qu'on a mentionnés. Ensuite, il mentionne encore une fois les paroles du Hafiz ibn Hajar, volume 13 à la page 8. C'est la page suivante par rapport à ce qu'on vient de lire. Et il dit, « Wa naqala ibn Tin an al-Dawoudi, alladhi alayhi al-ulama fi umara al-jawr, annahu إن قدر على خلعه من غير فتنة ولا ظلم وجب وإلا قالوا يجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا un yakfur, fayajib al-khuruj alayh. Donc, les paroles de l'imam du Hafiz ibn Hajar par la suite, il cite les paroles d'un homme qui s'appelle Ibn Tin, ou d'un des imams qui s'appelle Ibn Tin, qui mentionne les paroles de Ad-Dawoudi, qui dit que la position des savants au sujet des dirigeants injustes, c'est que s'ils sont capables de l'enlever, sans faire de fitna ni d'injustice, c'est obligatoire. Mais sinon, c'est obligatoire s'ils sont pas capables de l'enlever sans fitna et sans injustice, dans ce cas-là, c'est obligatoire d'être patient. Et selon d'autres savants, il n'est pas permis de donner à un pécheur le pouvoir ou le serment d'allégeance au départ. Mais si ce dirigeant-là devient injuste par la suite, après qu'il a été juste, ils ont divergé à ce sujet, au sujet de la permission de sortir contre lui et de se rebeller contre lui, et la position correcte, c'est que c'est interdit. Sauf si on voit qu'il fait un kufr. Dans ce cas-là, c'est obligatoire, il dit, de sortir contre lui. Bien entendu, si on a la capacité. Ça, c'est moi qui rajoute ça dans l'explication, mais toutefois, lui, il dit, c'est obligatoire de sortir contre lui. Ça, c'est les paroles citées par le Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et on voit que ici, c'est comme si Ad-Dawoudi, dans cette citation-là, il essayait de faire croire comme, ou pas de faire croire, mais il essayait de dire qu'il y aurait des différences dans les paroles de certains savants à ce sujet-là, et que certains auraient dit que c'était permis. Et c'est pour ça que le cheikh, après, cheikh Ahmed al-Najmi, il explique et il dit, قُلْتُ يَجِبُ أَن نَأْخُذَ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ مَا أَيَّدَهُ الدَّلِيلِ وَمَا لَمْ يُؤَيِّدْهُ الدَّلِيلِ بَلْ خَالَفَهُ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا تَرْكُهُ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ مِنْ غَيْرِ مَعْصُومٍ تبين لنا خطأه بمخالفته لما ثبت عن المعصوم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه باتباعه وطاعته ورتب عليها دخول الجنة والنجاة من النار. Donc le cheikh ici dit, l'obligation pour nous, quand on voit que des gens rapportent des citations, ou bien qu'ils disent, par exemple, qu'il y a des divergences ou des différences entre les paroles des savants, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit supporter la position des savants qui est défendue ou qui est en accord avec ce qui est dans les textes et dans la preuve. Et ce qui est contraire à la preuve, on n'a pas à le supporter et on n'a pas le droit de l'accepter. Et c'est obligatoire pour nous de l'abandonner si on voit que c'est en contradiction avec la preuve. Parce que c'est une parole qui est uniquement basée sur une ijtihad. Et, bien entendu, le savant qui fait une ijtihad, il n'est pas infaillible. Et donc, lorsqu'on est certain et qu'on a vu clairement qu'il a fait une erreur, hein, eh bien, on est obligé par la suite de ne pas l'accepter, cette opinion-là qui est contraire à la preuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à son messager, d'obéir et de suivre son messager. Et il a dit que d'obéir au messager, c'est ça ce qui amène au paradis et c'est ça ce qui sauve de l'enfer. Donc, on n'a pas le droit de suivre quiconque qui nous amène à contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça c'est un point que le cheikh explique qui est très important. Parce que, comme dernièrement, justement, il y a un frère qui m'envoyait des emails. Et dans un des emails qu'il m'a envoyé, il me cite une parole d'un des... il me cite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Dans cette citation-là, Ibn Taymiyyah, il énumère une série de questions au sujet desquelles certains salafs ont divergé. Certains parmi les sahaba avaient divergé sur certaines questions. Et, la personne qui m'envoie ce email, bien entendu, il ne donne pas son identité, sauf qu'il me pose des questions pour essayer de me tendre un piège en me disant, n'est-ce pas que les sahaba ont divergé? Ou bien, n'est-ce pas que les salafs ont divergé? Et bien entendu, les salafs ont divergé, et tout le monde sait ça. Hein, il n'y a pas de secret là-dedans. Sauf que la personne essaie de mentionner ça comme pour essayer de justifier la divergence des groupes de bid'a aujourd'hui, puis pour essayer de dire on ne doit pas les critiquer ou bien agir avec haine et se détester les uns les autres et appliquer al-wala wal-bara entre nous. On doit plutôt tous se supporter et s'aimer et se donner nasiha entre nous, ainsi de suite. Et, bien entendu, il n'y a pas d'argument dans cette citation-là pour lui, dans les paroles de Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que, justement, quand on retourne à l'explication de Ibn Taymiyyah, dans le contexte de cette citation-là, il est en train de parler des questions d'ijtihad et des erreurs des mujtahidin. Donc, ça n'a rien à voir avec, qu'est-ce qu'il essaie de défendre et de supporter. Parce que, justement, l'imam Ibn Taymiyyah, il mentionne dans le passage qui précède les citations qu'il fait, il dit justement qu'un mujtahid, lorsqu'il fait une ijtihad, il doit se baser sur ce qu'il possède de la science. Et qu'il y en a parfois parmi les savants qui ont fait des ijtihads qui étaient erronés à cause justement du fait que ils ont uniquement jugé par rapport à la connaissance qu'ils avaient et étant donné qu'ils ignoraient d'autres versets ou d'autres hadiths, par exemple, qui clarifiaient une question ou une situation, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas blâmés de leur erreur puisque ils ignoraient la réponse et la signification et la situation. Et c'est les exemples que Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est des exemples, par exemple, au sujet de quelqu'un, par exemple, qui aurait fait une ijtihad et qu'il ignorait, par exemple, qu'un verset en particulier aurait été abrogé et qu'il aurait appliqué le verset qui est abrogé sans savoir qu'il était abrogé. Dans ce cas-là, bien entendu, s'il a jugé selon sa connaissance, dans ce cas-là, il est excusé. Parce qu'il ne peut pas juger excepté par rapport à ce qu'il sait. Et ce qu'il ne sait pas, il ne peut pas juger selon ce qu'il ne sait pas. Donc, pour lui, par rapport à la connaissance qu'il avait, son ijtihad, elle est bonne. Dans le sens qu'il n'a jugé que par rapport à ce qu'il savait de la science. Et donc, il a jugé avec la vérité qu'il possédait. Et donc, dans ce cas-là, pour lui, il est dans la vérité. Toutefois, un autre savant qui avait la connaissance, par exemple, de cette question-là en détail, et qui connaissait la vérité à ce sujet-là, lui, il va juger selon une autre opinion, justement parce qu'il a un surplus de connaissances par rapport à l'autre. Et il sait, à propos de cette question, ce que l'autre savant ne savait pas. Donc, dans ce cas-là, le premier, il a fait son ijtihad par rapport à ce qu'il savait, il a jugé selon la vérité qu'il possédait avec lui. Et l'autre savant, il a jugé selon la vérité qu'il a possédé avec lui à cette époque-là ou à ce moment-là. Et on voit cet exemple-là très clairement dans la question, par exemple, du changement de la Qibla à l'époque des Sahaba, lorsqu'il y a eu le changement de la Qibla. Les gens priaient vers Bayt al-Maqdis au début, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset dans lequel il disait aux musulmans de changer de Qibla et de prier en direction de la Kaaba à la Mecque. Ok, donc on voit bien l'exemple de ça quand on a vu que lorsque les Sahaba étaient en train de faire la prière de Asr et que quelqu'un est venu en criant et en disant pendant qu'ils étaient en train de prier, la Qibla a été changée. Hein? Donc ils n'ont pas attendu, les Sahaba qui étaient en train de prier, ils n'ont pas attendu en disant on va compléter notre prière, puis on va terminer. Non, ils ont changé de direction, en pleine prière. Hein? Ils ont tout de suite changé de direction pour se tourner vers Mecca. Donc c'était pour dire que ça, c'était l'attitude des Sahaba. C'est que s'ils faisaient quelque chose qu'ils ignoraient, lorsqu'on leur informait et lorsqu'on leur disait une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils abandonnaient tout de suite ce qu'ils faisaient et ils faisaient la vérité. Ils suivaient la vérité tout de suite. Contrairement aux gens de Bid'a aujourd'hui et aux groupes de Hizbiya qui persistent continuellement dans leur bid'a et dans leur égarement, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sincères, parce que c'est pas une question de manque de connaissance de leur part. Ils connaissent la vérité, ils savent la sunna, ils savent qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, mais ils choisissent intentionnellement et volontairement de ne pas l'appliquer et de ne pas le suivre. Et donc ces gens-là ne peuvent pas être comparés à l'exemple qui est mentionné dans la citation de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Et donc c'est la même chose pour les groupes de Hizbiya aujourd'hui qui suivent la voie des Khawarij, qui suivent la voie des Mu'tazila et qui appellent au Khuruj. Et si quelqu'un vient nous voir puis nous dit « Ah, mais regardez mes frères, il y en a parmi les salafs qui ont divergé sur des questions comme ça, donc il ne faut pas qu'on se déteste les uns les autres, il faut s'aimer, on est tous des frères, il ne faut pas qu'on commence à se diviser à cause de ces choses-là », on va leur répondre que « Regardez l'attitude des Sahaba envers les Khawarij. Ali ibn Abi Talib les a combattus, hein, et les a déclarés des gens de Bid'a. Regardez l'attitude de Abdullah ibn Mas'ud envers les Qadariyya, ceux qui niaient le Qadar. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit à leur sujet, si ils ont dépensé la montagne de Uhud en sadaqa et en or, eh bien, Allah ne va rien accepter de cette sadaqa tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. Donc ça, c'était pour se désavouer d'eux et pour dire que ce sont des kuffar, hein? Et donc, bien entendu, ça c'était pour dire que la position des Sahaba envers les gens de Bid'a qui persistent dans l'égarement, eh bien, c'est une position qui est claire et nette. Et on ne peut pas utiliser les exemples de gens qui persistent dans l'égarement et comparer ça avec les erreurs de certains mujtahidin ou de certaines parmi les Sahaba qui ont dit des choses parce qu'ils n'avaient pas entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont donc jugé selon ce qu'ils savaient. Et lorsqu'ils ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui clarifiait le point sur lequel ils n'étaient pas clairs, eh bien, ils ont changé et laissé tomber leur position et ils sont revenus à la vérité. Donc, ça, c'est juste pour répondre à ce point-là. Si jamais, par exemple, certains essaieraient, par exemple, de se baser sur certaines citations de certains savants pour essayer de justifier le fait de se rebeller contre les dirigeants injustes en disant que, oh, regardez, il y en a certains savants qui ont dit ça. Nous, on retourne pour trancher dans nos divergences aux preuves du Coran et de la Sunna et non pas yani, de prendre les paroles des savants qui sont contraires au Coran et à la Sunna comme étant des preuves, comme certains Mubtadi'a aujourd'hui qui essaient de penser que ou essaient de dire aux gens que les divergences et les différentes sectes, ce sont des différences de diversité et ce sont des options pour les musulmans, en voulant dire que on peut choisir entre toutes ces sectes les positions qui nous plaisent et c'est une diversité pour nous. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement et c'est une ignorance de leur part de dire des choses pareilles, puisque on n'a pas le choix entre l'égarement et la guidance dans l'islam. On est obligé de suivre la vérité. Hein? Et le fait qu'il y ait une divergence, c'est pas une preuve, parce que, comme le cheikh il le mentionne par la suite, Allah nous ordonne de ramener nos divergences aux preuves, au Coran et à la Sunna. Donc, il mentionne le verset qui dit. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلذي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وغير ذلك من الآيات الدل على هذا المعنى ولا يجوز لأحد أن يقول أنا إنما فعلت ذلك غيرة على دين الله تعالى فإن الخوارج إنما قتلوا عثمان رضي الله عنه ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وإنما فعلوا ذلك بزعمهم غيرة على دين الله فهل هم صادقون في ذلك بل كل مسلم يعرف دين الحق يقول هم كاذبون ظالمون. Donc le cheikh il dit maintenant, ô vous qui avez cru, il mentionne les paroles d'Allah qui dit, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et l'autre verset qui dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et au messager, hein, obéissez à Allah, et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et ensuite, il mentionne un autre verset dans Surat An-Nisa, le verset 13 et 14. Voici ceci sont les limites d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah lui fera rentrer. Ceci sont les limites d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, nous le ferons rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Et voilà la grande récompense. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, nous le ferons rentrer dans un feu où il demeurera éternellement et il aura un châtiment humiliant. Donc, ça c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là qui nous montrent qu'on doit obéir à Allah et à son messager et ramener nos divergences à Allah et au messager. Et il y a bien entendu beaucoup d'autres versets qui ont la même signification. Et donc, Donc ça, c'était juste pour clarifier ce point. Ensuite, le cheikh il dit « وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ أَدَّلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا غَيْرَةً عَلَى دِينِ اللَّهِ فإن الخوارج إنما قتلوا عثمان رضي الله عنه ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنما فعلوا ذلك بزعمهم غيرة على دين الله فهل هم صادقون في ذلك بل كل مسلم يعرف دين الحق يقول هم كاذبون ظالمون معتدون. Donc le cheikh il dit, vous avez vu, par exemple certains des Moubtadi'a, parmi les Khawarij, lorsqu'ils font une révolte ou une rébellion contre un dirigeant ou qu'ils essaient de tuer un dirigeant, ils disent qu'ils font ça par jalousie ou par honneur pour pour la religion d'Allah, pour défendre l'honneur de la religion. Et yani, le cheikh il dit, cet argument-là, elle n'est pas acceptée et elle est fausse parce que même les Khawarij qui ont tué Uthman radiyallahu anhu, et ceux qui ont tué Ali ibn Abi Talib, ils ont fait ça également selon leur parce qu'ils croyaient ou ils s'imaginaient qu'ils faisaient ça yani, par honneur et par jalousie pour défendre l'honneur de la religion. Et est-ce qu'ils avaient raison à ce sujet? Donc le cheikh dit, tout musulman qui connaît la vérité sait que ce sont des menteurs, des injustes et des transgresseurs. Ensuite, dans le passage qui suit, le cheikh il mentionne les paroles des ulama des salaf qui expliquent justement que la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a c'est d'obéir aux dirigeants et de ne pas prendre les armes contre eux, de ne pas se rebeller contre eux, même s'ils sont injustes. Et parmi les paroles qu'il mentionne, il y a les paroles de l'imam al-Tahawi dans al-Aqidah al-Tahawiyya, et puis ensuite dans les paroles de celui qui a fait le charh de ces paroles-là, Ibn Abil Izz al-Hanafi. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Hafidh al-Qasim Ismail Ibn Muhammad Ibn al-Fadl al-Taymi al-Asbahani al-Mulaqab biqawam al-Sunnah qui est mort en 535 dans son livre Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Et il a un chapitre qui parle de ça également. Et ensuite, il mentionne les paroles d'un autre imam, Abu Abdullah, Ubaydullah ibn Muhammad, al-Ma'ruf ibn Batta, dans al-Ibanat al-Kubra. Donc cet imam-là, il a écrit un chapitre dans al-Ibana qui justement clarifie ces choses-là. Et il mentionne ensuite les paroles d'un autre imam qui s'appelle Abu Ahmad, محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ المعروف بأبي أحمد الحاكم dans sa aqida qu'il a écrit au sujet des gens du hadith ça s'appelle شعار أصحاب الحديث. Donc il a aussi mentionné ce point-là et il a clarifié cette position-là de أهل السنة. Et ensuite il mentionne les paroles de l'imam أحمد بن حنبل qui est imam أهل السنة dans son livre أصول أهل السنة. Et il clarifie la position d'Ahlus Sunnah à ce sujet-là, comme on le sait. Et après avoir donné toutes ces citations-là, là il revient justement à la parole, à la clarification, et il dit وَبِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَأَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ تَعْلَمْ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وإجماع أهل العلم قد تطابقت واتفقت على انعقاد البيعة ووجوب الطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين سواء كان برا أو فاجرا مؤمنا أو فاسقا وأن قول عزام أن إن بيعة الفاسق لا تنعقد قول باطل لا يدل عليه دليل من كتاب ولا من سنة ولم يقل به أحد من أهل السنة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن بعدهم من أهل العلم والإيمان والاتباع وإنما هو من قول أهل الزيغ والابتداع، وكان حين قال هذا القول. Donc, on va traduire cette partie-là. Il dit par la suite, donc on a mentionné les paroles, et on a mentionné premièrement les preuves et les paroles des savants de l'islam. Et donc, on peut donc savoir que le Coran et la Sunna et l'Ijma des savants de la Ummah est multiplié, et c'est des choses qui se supportent les unes par-dessus les autres et qui sont toutes en accord sur le fait que la bay'a, le serment d'allégeance est obligatoire, c'est-à-dire c'est obligatoire d'obéir, et que elle est valable cette bay'a pour celui que Allah a mis en position d'autorité sur les musulmans, qu'il soit pieux ou pervers, qu'il soit croyant ou pécheur. Ok, donc et en fait le cheikh il n'a mentionné que quelques-unes parmi les citations des imams des salafs à ce sujet-là. Dernièrement, j'avais posté un petit texte tiré d'un des livres des Shuyukhiani du Yémen, qui a écrit un livre qui s'appelle Ad-Darr al-Manthur fi Hukm al-Khuruj ala Wilat al-Umur, écrit par Abu Abdullah Ahmad ibn Abdullah As-Saw'ami al-Baydani. Et j'ai mentionné différentes paroles des imams de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, un peu plus même que celles qui sont mentionnées par le Cheikh Ahmed al-Najmi dans ce livre-là. Et ça, en plus, ça, c'est rien par rapport à la réalité, parce qu'il y en a encore beaucoup plus que ça, des citations des imams à ce sujet-là. Donc, on a seulement mentionné quelques citations parmi les autres citations qui sont claires à ce sujet-là. Donc, c'est pour faire comprendre que cette position-là, c'est une position sur laquelle il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une ijma claire à ce sujet-là par rapport à cette question par les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc, on peut voir que la parole de Abdullah Azam au sujet de la bay'a du fasiq, et quand il dit qu'elle n'est pas valable, cette bay'a ou cette allégeance, c'est une parole qui est totalement fausse. Et elle n'est pas supportée par aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et aucun parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a ni parmi les Sahaba, ni parmi les Tabi'in, et ceux qui sont venus après, n'ont jamais dit une chose pareille parmi les gens de science et de foi et qui suivent la Sunna. Et c'est uniquement les paroles des gens d'égarement et de bid'a qui disent une chose pareille. Après, le cheikh il dit: وكان حين قال هذا القول تحت قيادة ورئاسة مجددي تحت قيادة ورئاسة مجددي ذلك الوثني الخبيث الذي تجاوزت وثنية أبي جهل وأبي لهب وغيرهم من مشرك العرب الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم بأمر من ربه سبحانه وتعالى حين يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وحين يقول وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم مع أن مشرك العرب معترفون بتوحيد الربوبية ولم ينازعوا فيه أبدا كما حكى الله جل وعلا عنهم في كتابه في مواضع منه ومن ذلك الآيات في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Donc juste un instant. Le cheikh il dit, à l'époque où Abdul Azam a fait cette déclaration là dans son livre et qu'il a écrit cette parole là, il était sous la dirigeance de son chef Mujaddidi, hein, qui est un idolâtre, hein, comme on a mentionné, hein, un idolâtre qui dont l'idolâtrie est pire que l'idolâtrie de Abi Jahl et de Abi Lahab et d'autres parmi les mouchriquins arabes de l'époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, et il a rendu leur sang et leurs biens halal et il a pris en esclavage leurs enfants de même que leurs femmes. Donc ça c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 36 dans sourate Tawbah, et combattez les mouchriquines en entier, comme ils vous combattez les mouchriquines tous, comme ils vous combattent tous. Et yani, c'est le verset 36 dans sourate Tawbah, et ensuite il mentionne le verset 5 dans sourate Tawbah, et après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, les mouchriquines, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade, et si ensuite ils se repentent, accomplissez la salat et acquittez la zakat. S'ils se repentent, c'est-à-dire ils acceptent l'islam, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné pour montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était commandé d'agir envers les mouchriquins qui combattaient l'islam et ou bien contre les mouchriquins qui refusaient d'accepter l'islam après l'ordre du combat par la suite. Donc ça c'était pour clarifier cette situation-là par rapport aux mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, regardez, Abdul Azzam était sous la dirigeance d'un homme dont le shirk était pire que le shirk des mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre de cette façon-là. Alors que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient tawhid al-rububiyya, le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, et ils n'ont jamais disputé à ce sujet-là, et même que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, dans plusieurs endroits dans le Coran, comme dans sourate Al-Mu'minun, le verset 84, jusqu'au verset 89, il mentionne justement des exemples de ça, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager d'Allah, demande aux mushrikines à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez, et ils répondront, Allah, elle appartient à Allah, hein, ne vous souvenez-vous donc pas. Donc c'est pour dire que, même Mujaddidi, فكيف انعقدت بيعة مجددي الذي زاد شركه على شرك مشرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في الدين أفواجا ولا تنعقد البيعة لمسلم موحد مؤد لفرائض الله إلا أن عنده من المعاصي ما يوجب له حكم الفسق إن هذا لهو الباطل الذي لا يقبله أحد ممن تأمله وبالله التوفيق. Donc le cheikh il dit, regardez comment cet homme dit qu'on ne peut pas donner une allégeance à un musulman qui fait des péchés, hein, qui est fasiq, mais lui-même il a accepté de donner son allégeance à Mujaddidi, celui dont le shirk est pire que le shirk des mouchriquines des Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu jusqu'à ce qu'il rentre en groupe dans l'islam. Hein? Donc comment tu dis qu'on peut pas que la bay'a pour un musulman qui est sur le tawhid et qui applique les obligations qu'il a à remplir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il fait les prières obligatoires, ainsi de suite, excepté qu'il a des péchés qui font de lui un pécheur et qu'il a un fisc, et yani, tu dis que à cette personne-là on peut pas donner une bay'a, puis tu donnes la bay'a à quelqu'un qui est yani sur le shirk. Yani ça, le cheikh il dit que ça c'est une chose qui est totalement fausse et inconcevable, yani pour quiconque médite, et il dit wa billahi at-tawfiq. Donc, après, le cheikh, il mentionne les paroles de Sahnoun, un des ulama des Malikiyah, un des compagnons un des ulama des Malikiyah. Je sais pas à quelle époque il a vécu, mais il est très connu. C'est lui qui a écrit le livre Al-Mudawwanatul Kubra, un des grands livres de fiqh dans le mazhab maliki. Et donc c'est pour montrer qu'il était sur la aqida des salaf. Et il dit wa akhtimu hadhihi al-jawla fi ar-radd 'ala al-shaykh Abdullah Azzam fi za'mihi hadha bi hadhihi al-qissa allati hakaha al-'alim النقاد الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله في ترجمة سحنون صاحب المدونة رحمه الله في جزء 12 وصفحة 67 قال وعن يحيى بن عون قال دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض يعني كان قلقا قال له سحنون ما هذا القلق قال له الموت والقدوم على الله فقال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والقرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا قال أي والله قال مت إذا شئت مت إذا شئت. Regardez ça c'est une parole qui est rapportée par l'imam Al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, le volume 12, page 67. Il dit que Sahnoun est rentré, c'est rapporté selon Yahya ibn Aoun, il dit que Sahnoun est rentré voir Ali ibn al-Qassar alors qu'il était malade, et Sahnoun lui a dit, il se sentait stressé à cause de la mort. Et donc il lui a dit, pourquoi ce stress ou pourquoi cette angoisse? Et il a dit, c'est la mort qui est le fait de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala qui m'angoisse. Et donc il lui a dit, Sahnoun lui a dit, n'est-ce pas que tu crois au messager? N'est-ce pas que tu crois à la résurrection? N'est-ce pas que tu crois qu'il y aura les comptes, le jugement? N'est-ce pas que tu crois qu'il y aura l'enfer et le paradis? Et que le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr, ensuite Omar. N'est-ce pas que tu crois que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée, et que Allah sera visible au jour de la résurrection? N'est-ce pas que tu crois que il est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, al-arshistawa? Et n'est-ce pas que tu crois que on ne doit pas prendre les armes contre les dirigeants musulmans, même s'ils sont injustes? Il a répondu en disant, oui, par Allah. Alors il a dit, alors meurs si tu veux, meurs si tu veux. En voulant dire, yani, tu n'as pas à être angoissé par la mort parce que tu es sur la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc ça, c'était les paroles de Sahnoun, parmi les imams du madhab maliki. Et ça, c'est une réfutation des Asha'ira parmi les Mubtadi'a et des autres groupes de Bid'a également, qui essaient de dire qu'ils sont maliki et qui suivent une autre voie ou une autre aqida que la aqida de l'imam Malik. Donc c'est pour leur dire que vous n'êtes pas en train de suivre le madhab maliki dans la aqida. Donc le cheikh il dit, القول بالخروج قول باطل لا يعتمد على دليل. نعم. Donc il dit, قلت بهذا يتبين أن قول عبد الله عزام الذي نقلته ورددت عليه قول أصحاب المنهج الإخواني عموما في إجازتهم الخروج على أئمة المسلمين قول باطل مخالف للنصوص الشرعية من كتاب وسنة ومخالف لما أجمع عليه أهل العلم المعتبرين وما ذكرته من الآثار عن السلف وما نقلته عن أهل العلم من الإجماع على عدم الخروج وأنه لم يقل بجواز الخروج إلا الخوارج والمعتزلة وليسوا من الفرقة الناجية وإنما هم من الفرقة الهالكة. نعم. Donc le cheikh il dit, La parole, donc, qui dit qu'on a le droit de se rebeller contre les dirigeants et de prendre les armes contre eux, c'est une fausse parole qui n'est supportée par aucune preuve. Et il dit, le cheikh, on peut donc voir que la parole de Abdullah Azam, que j'ai mentionnée et que j'ai réfutée, hein, et les paroles de des gens de son manhaj ikhwani, hein, parce que Abdullah Azam c'était un des membres de Ikhwan Muslimin, hein, c'était un de leurs porte-parole. Donc, yani, on peut voir que cette parole-là, en général, quand il dit que c'est permis aux, yani, aux gens de prendre les armes contre les imams musulmans, ça c'est leur position en général. C'est-à-dire, c'est pas la position de Abdullah Azam seulement, c'est la position de tous les Ikhwan. Tous les Ikhwan, ils ont cette idéologie-là. Et ça fait partie de leur manhaj. Donc, le manhaj des Ikhwan, c'est un manhaj qui est basé sur la bid'a des Khawarij. Et il dit, c'est une parole qui est fausse et contraire au texte de la Sharia et contraire au Coran et à la Sunna. Et c'est une position qui est en contradiction avec ce sur quoi c'est basé tous les savants qui sont reconnus et considérés comme étant des imams. Et ce que j'ai mentionné des textes, hein, et des narrations des salafs, et ce que j'ai rapporté des paroles des savants de l'ijma qui a été conclu, le consensus qui a été établi sur le fait qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre les dirigeants ou de sortir contre eux, et qu'aucun d'entre les imams n'a dit une chose pareille, hein, excepté les khawarij, c'est-à-dire personne parmi les imams a permis de sortir contre le dirigeant, excepté les mubtadi'a parmi les khawarij et les mu'tazila, et ils ne font pas partie du groupe sauvé, ils font partie des sectes d'égarement qui vont périr, parmi les 72 sectes qui vont périr. Il dit, « Ya qawm, in kuntum turidun al-haq wa tariq al-sawi, fa'oudu ila al-haq. » فإنكم لا تسألون عن أحد غير النبي الأعظم والقرآن الذي يهدي للتي هي أقوم إن الخروج الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ودمار وعار ونار وسفك دماء وسفك للدماء وإزهاق للأرواح وهلاك وإهلاك للحرث والنسل وسلب للأموال واستباحة للأعراض وخوف بعد أمن وجوع بعد شبع وفقر بعد غنى وذل بعد عز وخراب بعد عمار أما لكم عظة في الصومال وما حصل لأهلها من الخراب والدمار والتشرد في جميع الأقطار أما لكم عظة في الجزائر وما وقع فيها من المجازر أما لكم عبرة فيهم وفي غيرهم ممن حولكم أرجو أن تفكروا وتراجعوا حسابكم قبل أن يفوت الأوان ويعض كثير منكم الأصابع الندم أصابع الندم ولا ينفع الندم بعد تبين الخسران تبين الخسران وأن الفائز هو من اتبع الهدى واجتنب سبيل الردى والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط المستقيم. Donc le cheikh il dit, oh les gens, hein, si vous voulez la vérité est la voie qui est droite. Revenez à la vérité et vous ne serez questionné pour personne excepté pour votre prophète et pour le Coran. Pour votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour le Coran qui guide vers la meilleure voie, la voie la plus droite. Et donc de faire le khuruj et de sortir contre les dirigeants, ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète le cheikh Ahmad al-Najmi, il décrit les conséquences négatives du fait de faire le khuruj contre les dirigeants. Il dit c'est une corruption, un désordre, une destruction, yani, c'est une honte, c'est un feu. C'est le sang qui coule et les âmes qui sont tuées et la perte des récoltes et des nassel, c'est-à-dire la progéniture qui sont tuées et les biens qui sont gaspillés et l'honneur qui est détruite. Hein, regardez qu'est-ce qui se passe dans des pays où il y a eu des choses de ce genre et vous voyez que les gens en profitent parfois même pour, par la suite, voler, violer, tuer. Hein? Et il y a la crainte qui s'installe après la sécurité. Hein? Il y avait la sécurité, maintenant il y a la crainte. Les gens mangeaient bien, après il y a la faim. Les gens avaient la richesse, maintenant ils sont devenus pauvres. Les gens étaient fiers, étaient puissants, ils sont devenus humiliés et faibles. Ils étaient peuplés, maintenant ils sont devenus détruit complètement. Il dit, n'avez-vous pas des leçons à tirer de la Somalie? Qu'est-ce qui est arrivé à son peuple? Comment il y a eu de la destruction là-bas? Et comment ils se sont dispersés par la suite dans tous les peuples et dans tous les pays? Et n'avez-vous pas des exemples dans ce qui est arrivé en Algérie? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas de tuerie? Et de boucherie, hein? Des abattoirs des gens qui se sont fait exécuter et tuer comme ça, comme des bêtes. Donc c'est pour dire, Allah al-Musta'an, tous ces exemples-là, c'est clair. Et regardez maintenant les Somaliens, vous les retrouvez partout. En Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et il y en a beaucoup d'entre eux, ils ont quitté l'islam. Il y en a beaucoup d'entre eux maintenant, ils sont égarés complètement. Donc c'est pour vous dire, Ani, subhanallah, ça c'était les conséquences de ces fitanes qui sont arrivées dans ces pays-là. Hein, quand ils ont voulu faire le khuruj. Et regardez aujourd'hui en Somalie, c'est des tribus qui se sont en train de se disputer le pouvoir les unes contre les autres. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre. Hein, il y a l'insécurité et maintenant ils font les pirates. Ils sont en train de faire les pirates dans l'océan, là. Hein, en train d'attaquer les bateaux, puis de voler les gens qui sont dans les bateaux. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et en Algérie, il y a trop d'exemples à prendre de l'Algérie. Parce que c'était trop clair qu'est-ce qui s'est passé là-bas. L'égarement et la contradiction au Coran et à la Sunna. Hein, et les choses qui se sont passées par la suite. Tout ça, c'est clair. Regardez maintenant les Algériens. Qui sont partis de là-bas. Maintenant, ils sont ici au Québec, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont en Europe, partout. Hein? Et qu'est-ce que ça a amené de bon pour les musulmans? Rien de bon. Hein? Ça n'a rien amené. Le khuruj n'a jamais rien amené de bon. Ça a amené le désordre et le mal. Et le malheur. Après, le cheikh, il dit, n'avez-vous pas des leçons à tirer de ceux qui sont autour de vous? Il dit, je souhaite que vous réfléchissiez et que vous reveniez sur vos calculs avant que ce soit trop tard. Il dit, et avant que certains d'entre vous se mordent les doigts de remords. Et il dit, sachez que celui qui a le succès, c'est celui qui suit la guidance et qui s'est écarté de la mauvaise voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne le succès à qui il veut de ses serviteurs. Et c'est lui qui guide vers un droit chemin. Donc, alhamdoulillah, rabbil alamin. On a donc clarifié aujourd'hui et terminé ce passage qui réfute les paroles de Abdullah Azzam dans cette réfutation-là. Et maintenant donc, inshallah, la semaine prochaine, on va passer à un autre sujet où le cheikh explique et réfute d'autres erreurs des Ikhwan dans le manhaj des Ikhwan. Et donc, on va donc terminer avec cette partie de la réfutation aujourd'hui, inshallah. Donc, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته